cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Cosaques d'Ukraine face aux empires. En 1920, Mikhail Sergueïevitch Grouchevski écrit un abrégé de l'histoire de l'Ukraine. Et il nous explique que l'organisation des Cosaques ukrainiens date de l'époque où l'Ukraine orientale eut à subir des dévastations, des incursions des Tartares de la Crimée et des Turcs. L'appellation même Cosaque est d'origine turque ou tartare. Il aurait pu rajouter que la figure du Cosaque d'Ukraine est celle d'un idéal, de bravoure, de liberté, de fidélité, de patriotisme. Oui, qui sont les Cosaques Zaporog, les Cosaques d'Ukraine. Laurent Tatarenko, bonjour. Bonjour. Avant tout, définissons ce qu'est un Cosaque. Qu'est-ce qu'un Cosaque ? Alors, un Cosaque est, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui à partir du cas russe, comme les Cosaques du Don, le Cosaque à l'origine est un homme libre, un cavalier qui, en réalité, vit d'après un mode de vie particulier, c'est-à-dire un mode de vie saisonnier où il participe à des campagnes militaires qui défendent les frontières. Ici, nous sommes dans le cas des Cosaques Zaporog, donc les frontières de la Pologne-Lituanie, qui est un État donc constitué de deux ensembles, le Royaume de Pologne et la Grande Principauté de Lituanie, formée par l'Union de Lublin de 1569. Et les Cosaques sont ces populations installées sur ces marges, qui d'ailleurs à l'origine ne sont pas tous slaves. On y retrouve des Tatars, on y retrouve d'autres populations. Et ces Cosaques forment une communauté d'hommes, d'une communauté militaire, d'hommes qui s'occupent de cette défense de frontières et qui se mettent de plus en plus au service du roi de Pologne à partir de la fin du XVe siècle et qui s'organisent à partir du milieu du XVIe siècle. On retient généralement la date de 1553, la fondation de la première capitale cosaque, le fortin de la Sitch, situé dans une région qu'on connaît aujourd'hui grâce à l'actualité, donc autour de la ville de Zaporoge, qui est tristement connue par la proximité de ses centrales nucléaires récemment prises par les Russes, et qui s'organise donc justement dans cette communauté au service de l'État polonais. Ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une ethnie. Non, tout à fait. C'est, je l'insiste bien, j'insiste bien là-dessus, c'est un mode de vie, tout simplement. Mais il est vrai que à la fin du XVIe siècle, ce sera une communauté qui sera de plus en plus composée de Slaves, puisqu'elle recueille de plus en plus de paysans qui fuient les grands domaines seigneuriaux situés sur le territoire de l'Ukraine actuelle et qui vont former cette communauté militaire donc installée sur ces régions. Fraternité guerrière. Irina Dmitrychin, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour nous parler des Cosaques. Alors, des Cosaques d'Ukraine, les Cosaques qui nous intéressent ne sont pas ceux du Don. Précisons bien aussi qu'au moment de dire Cosaques, c'est une réalité gigantesque. En fait, il faut de la précision pour savoir de qui nous parlons. Eh bien, nous parlons des Cosaques ukrainiens qui, effectivement, ont commencé comme une communauté des hommes libres, des guerriers qui fuyaient donc l'oppression, ou qui c'était peut-être aussi des repris de droit commun, et qui s'installaient donc sur cette île de Khortytsa sur le Dniepr, et qui à partir du 16e 17e siècle sont cooptés par le roi de Pologne pour se mettre au service du roi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que commence la stratification, c'est-à-dire qu'on commence à former une élite cosaque et l'armée véritable qui reste donc entre les Cosaques enregistrés et les Cosaques qui restent combattre au gré de leurs alliances et de leurs intérêts. Les Cosaques fascinent. Ils fascinent à travers l'histoire. Le mot même Cosaque évoque tout un imaginaire. Petit tour dans la littérature jeunesse. Ils vont vivre plein d'aventures. Oui, c'est ça. Et l'ensemble du livre trace en fait quoi essentiellement ? La révolte des Cosaques. Voilà. Les Cosaques voleurs. Exactement. C'est une des deux plus grandes révoltes, non seulement des Cosaques, mais aussi des paysans russes qui se sont révoltés durant le régime tsariste. La deuxième grande révolte cosaque a eu lieu à peu près 100 ans après. C'était la révolte d'Emilian Pougatchev. À propos de cette révolte, les Cosaques combattent l'injustice et l'esclavagisme. Et eux-mêmes se voient obligés de faire de l'esclavagisme et souvent de l'injustice, même envers les boyards. C'est vrai, tu as entièrement raison. À l'époque, c'est vrai que les Cosaques, tout en se révoltant contre l'injustice, contre le servage, contre les tortures et les massacres qui étaient perpétrés par les seigneurs, eh bien, ils ont commis eux aussi un certain nombre de massacres et un certain nombre de crimes en contrepartie de ce qui leur était arrivé jusqu'à là. Nous étions en 1974. Bertrand Solet, qui est un auteur de livres pour jeunesse, présentait son ouvrage « Debout, Cosaques ». Et nous l'entendons dans cette archive, il y a ce mélange d'histoires entre la révolte, le combat contre l'injustice, puis il y a l'idée de voleur, et il y a tout ça. Laurent Tatarenko, cette image du Cosaque est extrêmement ambiguë. En fait, aujourd'hui, l'image que nous en avons est une image sur laquelle s'est greffé tout un imaginaire. C'est dur de retrouver le Cosaque, j'ai envie de dire, des origines. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, d'autant plus que même les auteurs qui sont en quelque sorte issus de la culture ukrainienne, comme par exemple Nicolas Gogol, a répondu cette image à travers Taras Bulba, qui était en quelque sorte à la fois un homme qui combattait au service de son peuple, mais aussi évidemment qui était prêt à tuer son propre fils en raison d'une trahison vis-à-vis des Polonais. Vous avez tout à fait raison, mais justement, il faut bien distinguer le cas des révoltes, par exemple, qui ont été citées ici, les révoltes russes et les révoltes ukrainiennes, puisque la cosaquerie en Ukraine est bien plus structurée. Comme l'a dit ma collègue, l'existence de Cosaques même, des Cosaques enregistrés et d'une masse Cosaque plus informe, en réalité, crée déjà une véritable institution. Et c'est d'ailleurs ce qui va poser problème durant tout le 1er et 17e siècle, le décalage entre les Cosaques officiels, en quelque sorte enregistrés au service du roi, et tous les autres fuyards qui vont dans la Sitch Cosaque pour essayer de retrouver ses privilèges, pour essayer de retrouver cette liberté. Et il y a un décalage assez important. Par exemple, en 1625, si on prend cette date, le chiffre de Cosaques enregistrés officiels est de 6000, alors qu'on estime que les individus qui étaient composants de la cosaquerie étaient déjà de plus de 40 000. Donc vous voyez, il y avait un rapport presque de 1 à 7 dans ce rapport entre les deux statuts. Et dans cette organisation, Irina Dmitrichine, comment ça se passe en fait? Alors les Cosaques sont enregistrés, donc on a vu, hein, il y en a un petit nombre d'enregistrés par rapport à une masse. Comment s'organisent-ils? Ils sont au début du XVIIe siècle à l'intérieur d'autres structures. Alors, ils font partie du grand ensemble polono-lituanien et bien sûr l'élite cosaque cherche à avoir l'égalité des droits au niveau des autres élites polonaises ou lituaniennes, et cela nous amène à la révolte de Khmelnytsky qui commence au milieu du XVIIe siècle, qui cherche à se libérer de cette tutelle polonaise, et c'est là qu'on commence à écrire l'histoire proprement ukrainienne, où cet État créé par Khmelnytsky, qui existera à peu près un siècle, sera considéré comme le proto-État ukrainien, ou en tout cas servira de référence pour les revendications politiques futures. Pour bien saisir cet État ukrainien, cet État cosaque au milieu du XVIIe siècle, on peut évoquer les voisins. Comme ça, on voit un peu où on se trouve. Irina Dmitrichine, quels sont les voisins? Alors, il y a la Russie d'un côté, les Polonais. La Moscovie à l'époque, d'abord. La Moscovie, oui, tout à fait. Il y a le Grand-Duché de Pologne-Lituanie. Il y a la Crimée qui appartient aux Tatars, qui sont les vassaux de l'Empire ottoman. D'accord. Donc, on va dire que là, nous avons un État qui est entre deux... trois grandes puissances. Ces Cosaques, comment s'organisent-ils? Il y a un mot qui apparaît, c'est Hetmana. Qu'est-ce donc un Hetmana? Hetmana, je ne sais pas si on dit le T à la fin. Non, c'est... Hetmana, oui. C'est Laurent Tatarenko. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, c'est en réalité une structure politique. Alors le mot Hetmana effectivement a été utilisé de manière plus ou moins officielle, c'est-à-dire que le nom officiel de cet État était plutôt l'armée Zaporog, donc c'est bien un État militaire qui est dirigé par Hetman qui, d'après l'hypothèse la plus probable, vient de l'allemand, Hauptmann, c'est-à-dire le chef militaire, d'ailleurs c'est un terme qui existe également en Pologne, qui est le chef de l'armée polonaise ou lituanienne, donc, et c'est un État qui justement qui a cette double structure, à la fois une organisation strictement militaire, puisque le territoire même est divisé en régiments. Ce sont les colonels des régiments qui gèrent à la fois l'armée et toute l'administration locale. Et en même temps, c'est un État qui aussi a toute une structure économique, évidemment, qui a une justice, etc. Donc, c'est, en fait, c'est un État qui a un statut aussi international, puisque vous avez évoqué ce point-là assez particulier, puisque certes, il a des rapports diplomatiques, mais vis-à-vis de chacun de ses voisins, que ce soit la Pologne-Lituanie, la Moscovie ou l'Empire ottoman, il est toujours considéré comme un État sous protectorat, en fonction des alliances qui vont arriver au fur et à mesure des négociations. Et puis, il y a dans ces relations des moments essentiels et qui font partie de la construction de l'histoire nationale ukrainienne, notamment une histoire de courrier, une petite lettre envoyée au sultan. « Devenez mes sujets fidèles », leur avait écrit le sultan. Ils rirent à cette nouvelle et répondirent à l'instant à la lueur d'une chandelle. Barabbas, cornu comme les mauvais anges, quel Belzébuth es-tu là-bas, nourri d'immondices et de fanges, nous n'irons pas à tes sabbats. Une lettre pleine d'insultes en 1676, alors on peut dire des insultes, mais surtout une affirmation de la part des Cosaques Zaporog que non, ils ne veulent pas se soumettre au sultan. Cette scène du XVIIe siècle est reproduite dans un très célèbre tableau de Répine de 1880, donc beaucoup plus tard, qui sert d'illustration d'ailleurs pour le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Irina Mitrichine, quelles sont ces relations complexes avec les voisins? Alors là, c'est non, nous n'allons pas nous soumettre au sultan de l'Empire ottoman. Mais en même temps, il y a des échanges. Il y a des échanges, il y a une volonté de créer son propre État, d'être maître de son destin et de son territoire. Mais je pense que vous citerez cette célèbre citation de Voltaire, « L'Ukraine a toujours aspiré à être libre, mais entouré de puissants voisins, devait chercher un protecteur et par conséquent un maître. » Donc ces alliances étaient censées assurer à cet État cosaque le maximum d'indépendance et effectivement le changement d'alliance de Pologne vers la Russie était dans l'esprit des chefs cosaques, juste un changement de rapport contractuel entre un souverain et l'autre, où ils ne se sont pas rendus compte qu'ils troquaient en quelque sorte le rapport contractuel tel que nous le connaissons dans le monde occidental contre un rapport de domination et de vassalisation, ce qui a malheureusement, par ce choix funeste de Bogdan Khmelnytsky en 1654, a permis à la Moscovie de mettre pied en Ukraine. Et dans cette histoire et dans ces échanges, il y a aussi le fait que ces Cosaques d'Ukraine sont des militaires. Dès lors, ils peuvent être au service d'autres puissances, hein, Laurent Tatarenko. Alors, je ne sais pas si on peut parler de mercenaires, mais ça ressemble. Je dirais plutôt des troupes auxiliaires, puisqu'il y a quand même une certaine régularité dans leur emploi. Et je me permets aussi de revenir sur la question un petit peu précédente, puisque vous avez dit il y a cette opposition un petit peu culturelle contre l'Empire ottoman, contre les Tatars. En réalité, les Cosaques, il faut savoir qu'après l'épisode de Khmelnytsky, et justement cette alliance avec Moscou, il y a très rapidement un renversement. C'est-à-dire très rapidement, ils vont essayer de revenir vers la Pologne. Et puis ensuite, en n'arrivant pas à négocier véritablement un statut favorable avec les Polonais, il y a aussi une partie des Cosaques qui vont se mettre sous protectorat de l'Empire ottoman. À l'époque de Doroshenko, par exemple, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, vous allez avoir trois parties de l'Hetmanat, une partie polonaise, une partie moscovite et une partie sous la protection de l'Empire ottoman. Donc il y a véritablement une sorte de négociation tripartite avec trois chefs différents qui s'installent à cette période, évidemment au nom de leurs compétences militaires, comme vous l'avez dit. Et ces troupes alliées dépendent donc des différentes alliances. Tout à fait. Et alors évidemment, il y a des révoltes à chaque fois, puisque ce sont des sociétés de frontières qui négocient, et parfois ils s'allient avec le voisin, mais globalement, oui, c'est chacun combat au service de son propre protecteur. Et dans cette histoire, nous avons, mais on l'a déjà rappelé, énormément d'imaginaire. Il faut le préciser un petit peu, Irina Mitrichine, dans cet esprit de liberté, vous voyez, c'est vraiment ce que nous avons en représentation, il y a toujours ce côté guerrier. Quelle part faut-il faire entre le cosaque d'Ukraine fantasmée et puis la réalité. Nous ne sommes pas loin quand nous imaginons le tableau de Répine avec ses cosaques comme ça, tous entre hommes, fraternité guerrière. Alors, il faut vraiment distinguer donc ces cosaques de la Sitch, donc qui sont totalement libres, et les cosaques donc qui sont en oubli, qui sont devenus donc qui ont leur propre société. Et ce sont des hommes éduqués, protecteurs des arts. On a par exemple le baroque ukrainien de cette époque s'appelle aussi le baroque cosaque. Ce sont des gens qui soutiennent la création de l'université ukrainienne, la première université à Kiev, l'Académie Mohyla, 1615. Ce sont des gens qui soutiennent les différentes communautés orthodoxes, puisqu'ils s'érigent, mais je pense que mon collègue en parlera mieux, s'érigent en protecteur de la foi orthodoxe. Donc il y a une véritable société cosaque qui s'installe et qui fonde donc l'embryon de ce futur état cosaque. Et donc il y avait effectivement ces cosaques intrépides et qui du tableau en quelque sorte, cette image là mais il ne faut pas oublier que l'élite cosaque était éduquée, était donc connaissait les langues, la musique, la littérature, etc. Et donc c'est cette élite là qui va fonder en quelque sorte le mythe étatique de l'Ukraine avec la religion, hein, vous l'avez rappelé. C'est vrai que c'est essentiel aussi, parce que au XVIIe siècle, la religion est une évidence, mais pour ces cosaques d'Ukraine, quelle religion ? Donc l'orthodoxie, Laurent Tatarenko, il se présente comme défenseur de la religion, avons-nous entendu. C'est un signe envoyé à l'ensemble de l'Europe, à la Moscovie notamment, à la Pologne, et encore plus loin, dans un moment où l'Empire ottoman semble une menace. Bien entendu, mais il faut aussi savoir que cette construction de l'orthodoxisation, en quelque sorte, des Cosaques, a été progressive. C'est-à-dire qu'en réalité, ils apparaissent et ils se structurent à une époque où ce territoire polono-lituanien, avant la révolte de Khmelnytsky, est affecté par un phénomène assez important, puisque en 1596, nous avons assisté à la proclamation de l'Union de Brest, où une grande partie de cette métropole orthodoxe de Kiev se rallie à Rome en acceptant la juridiction romaine. Et donc, il y a deux églises chrétiennes orientales, l'une qu'on va appeler l'église uniate, ralliée à Rome tout en gardant ses traditions orientales, et une église orthodoxe qui reste fidèle à Constantinople. Et ce n'est qu'à partir des années 1610-1620 que les Cosaques vont s'imposer comme les chefs de l'orthodoxie, non pas tant dans un sens de défenseurs de la foi, mais aussi les défenseurs de leur population, des populations orthodoxes qui restent en Ukraine. Et donc pour avoir ce soutien local de toute la population, cosaque ou non, il s'impose en chef religieux. Et il ne faut pas oublier aussi, j'insiste simplement sur ce dernier point, que à la veille de la proclamation de l'Hetmanat, donc en 1649, peu après les batailles, il y a aussi un contexte très particulier. N'oublions pas que dans les années 1640, nous sommes en train de négocier les traités de Westphalie. Nous sommes à la fin de la guerre de 30 ans, et ce traité de Westphalie, précisément, redessine l'Europe d'après un modèle politico-religieux. Et donc on s'inscrit véritablement dans cette dynamique, y compris dans le cas cosaque. Et toujours dans ce rapport avec l'Empire ottoman, avec le sultan, nous avons évoqué ce courrier de 1676, ce tableau de Répine qui a beaucoup inspiré, il a même inspiré Guillaume Apollinaire pour les textes, parce que la musique, c'est Tchaïkovski. Dimitri Tchostakovitch pour la musique, Guillaume Apollinaire pour les paroles. C'est la réponse des Cosaques à Zaporog, au sultan de Constantinople. Il y a vraiment dans cette histoire-là, au XVIIe siècle et encore au XVIIIe siècle, et je le lisais en introduction de cette émission pour un abrégé de l'histoire de l'Ukraine en 1920, comme une évidence d'une identité ukrainienne. Alors, on parle de Slovaque, Zaporog, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais Irina Mitrichine, il se passe quelque chose dans cette région pour les contemporains du XVIIe siècle qui n'est pas Moscou. Tout à fait. Il y a une véritable identité qui commence à s'élaborer, à se cristalliser, et on peut évoquer avant Grouchevski, donc l'histoire de la Russe ou de la Petite Russie, 1828, un pamphlet politique anonyme qui écrit l'histoire de cette région en établissant une continuité entre la Rus de Kiev et donc cet état qui date du Xe siècle et l'Hetmana, donc en faisant une continuité historique entre ces deux entités, en dissociant, en montrant la différence entre la Moscovie et l'Ukraine, en faisant des Cosaques, donc le peuple fondateur en quelque sorte de l'Ukraine qui va venir plus tard. Donc l'identification avec les Cosaques qui sont donc et cette tradition étatique et l'ethnogenèse commence déjà à partir du début du XIXe siècle, à l'époque où l'État cosaque n'existe plus, parce que n'oublions pas que l'Hetmana est aboli par l'Empire russe en 1765, et en 1775, c'est la Sich Zaporog, cette communauté cosaque, qui est également abolie, et les cosaques sont déplacés vers le Don, et donc aujourd'hui les cosaques du Kouban, qui sont dans la Fédération de Russie, sont les descendants directs de ces cosaques Zaporog. Oui, parce que cette Hetmana est pris et dominé par l'Empire tsariste. Il y a plusieurs cosaques, nous l'avons évoqué, il y a ces cosaques du Don, il y a ces cosaques d'Ukraine. Laurent Tatarenko, c'est une histoire complexe, une histoire d'identité. Comment ces cosaques-là échangent-ils? Comment se considèrent-ils? Des cosaques de Russie, pour le dire simplement, se sentent éloignés des cosaques d'Ukraine, ou alors il y a toujours cette fraternité? Alors, la fraternité se construit un peu plus peut-être dans le cadre de l'Empire russe, mais auparavant, en réalité, non. Ce sont des, encore une fois, je reviens à ce que j'avais évoqué au départ, c'est-à-dire que c'est un mode de vie, mais un mode de vie qui ensuite se construit dans des communautés qui sont très différentes. Et d'ailleurs, la culture même cosaque, on a évoqué tout à l'heure le cas des élites cosaques. Les élites cosaques, en réalité, sont bien plus proches de la culture polonaise, de la culture politique polonaise, de la culture de la désobéissance, certes, mais une désobéissance aussi qui vient, en quelque sorte, des pratiques de la noblesse polonaise également. Donc là, on a vraiment une différence culturelle entre les cosaques russes, qui eux sont intégrés dans un système administratif particulier, un système politique particulier, et les cosaques ukrainiens, qui certes partagent un mode de vie, sont des sociétés de frontières certes, mais des sociétés de frontières dans un autre espace culturel. Si on prend un exemple dans la monarchie polonaise, nous avons une élection du roi. Le roi est élu, oui, il est choisi. Ce n'est pas le cas du côté de Moscou. Non. Est-ce que on peut voir ici, pour les cosaques d'Ukraine, et vous nous avez dit il y a une influence polonaise, eh bien voilà, c'est un lien qui peut se faire, alors que pour les cosaques qui sont plutôt du côté de la Russie, ben, vu qu'ils suivent cette administration qui est la leur, eh bien ils ne sont pas dans cette réflexion d'élection, par exemple, de discussion. Tout à fait. On le voit en particulier moins dans ces communautés informelles comme les Zaporog de la Tich, mais on le voit directement dans la constitution de l'Hetmana, qui reprend toute la structure des assemblées, de la pratique politique même, qui vient directement de la noblesse et des institutions polonaises telles qu'ils ont pu les expérimenter eux-mêmes, en réalité, au XVIIe siècle, puisque dans les élites cosaques, les cosaques enregistrés, sont en réalité proches des nobles qu'ils fréquentent quotidiennement, aux côtés desquels ils combattent, et donc ils reprennent cette culture, et d'ailleurs, en défendant l'orthodoxie à partir des années 1620, ils participent également aux diètes, ils envoient des ambassades de diètes, et donc ils se forment à une culture politique à la manière polono-lituanienne qu'il transplante ensuite dans l'Hetmana. Irina Dmitrichine. Et d'ailleurs, un des projets qui n'a pas fonctionné, c'était d'adjoindre l'Ukraine comme une troisième composante à cette union polono-lituanienne, et qui aurait pu totalement transformer donc l'Est européen. Bon, le projet ne s'est pas fait, et donc ces élites cosaques qui n'ont pas obtenu cet traitement d'égalité avec les élites polono-lituaniennes décident qu'ils ont besoin de leur propre État pour exister. Nous parlons des Cosaques comme d'un tout, les Cosaques d'Ukraine, les Cosaques, mais il y a des différences sociales, j'imagine, Irina Dmitrichine. Comment ça se construit? C'est pas une société égalitaire? Alors cette stratification, elle commence avec les Cosaques enregistrés et à partir de là, il y a bien sûr une différenciation sociale. Donc il y a les élites, les chefs des régiments et effectivement il y a une véritable, on peut dire, solidarité de classe, de caste qui prime sur la solidarité nationale. Donc on a une véritable fin du XVIIe siècle, on a déjà une société structurée avec les élites, avec le peuple, les instances religieuses. Donc on a, ce n'est pas une société égalitaire comme on peut le enfin c'est un des éléments, si vous voulez. Il était parfaitement vrai dans la Sitch, c'était moins le cas dans donc cette Hetmana des deux rives du Dniepr. Et dans les échanges internationaux, parce que nous connaissons ces politiques d'alliance internationale, où se situe cet Hetmana, Laurent Tatarenko? Il y a des alliances ou alors l'identité est forte et puis on reste dans cette communauté, dans cette fraternité? Non, il y a des alliances, évidemment, et justement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est précisément en raison de ces intérêts parfois divergents, même si on partage une même culture, qu'on va assister à la division de l'Hetmana à une période qui, pour l'Ukraine, sera appelée la ruine des années 1660 jusqu'à la fin du XVIIe siècle, donc la période de Mazepa, Ivan Mazepa, qui va réunir de nouveau et va tenter de réunir cet Hetmana. Et c'est également aussi, d'ailleurs, ce qui explique les renversements des alliances. Donc Mazepa lui-même, qui était un proche allié de Pierre le Grand, va lui-même, évidemment, comme on le sait, changer au dernier moment son alliance et s'allier avec le roi de Suède, Charles XII, ce qui va entraîner également sa chute après la bataille de Poltava de 1709. Mais les Cosaques d'Ukraine ne disparaissent jamais pour une raison essentielle, c'est qu'ils sont dans notre imaginaire, ils sont aussi dans la littérature. Ces Cosaques d'Ukraine, nous les retrouvons, nous l'avons déjà cité, nous les retrouvons chez Gogol avec Taras Bulba, qui est un nom qui évoque tout de suite des tas de choses. Taras Bulba. Ce spectacle est fait pour enchanter tous ceux qui le voient. Si toutefois j'y suis particulièrement sensible, c'est que j'ai passé les premières années de mon enfance en Russie. Et les danses que l'on voit sur le plateau d'Alhambra ce soir, je les ai vues alors également, ou du moins d'autres qui étaient toutes semblables. Et aussi, comme tous les petits garçons russes de l'époque, j'ai lu les contes du grand écrivain Gogol, fils de la terre d'Ukraine, et son roman Taras Bulba, qui a pour personnage les Cosaques Zaporov. Et voici que ces images qui ont ébloui les yeux et l'imagination d'un petit garçon, je les vois transportées ici comme des enluminures splendides et bondissantes, faites pour ravir la part d'enfance et de rêve qui, par bonheur, continue à vivre chez les hommes, quel que soit leur âge. La part d'enfance qui vit toujours en nous, c'est Joseph Kessel, l'écrivain, le voyageur, qui s'exprimait en 1959 dans l'émission 5 colonnes à la une, et il évoquait Taras Bulba, le roman de Gogol. C'est intéressant parce que nous sommes en 1959, l'Ukraine est une des républiques de l'URSS, et il évoque Gogol comme enfant de l'Ukraine, et c'est... Cosaques, ces aporogues d'Ukraine, sont identifiés en tant que tels. Taras Bulba, ça fait partie des éléments essentiels dans cette histoire, dans cette construction d'une identité, mais alors une identité qui est ukrainienne à un moment où l'Ukraine est dominée, hein, Irina Dmitrichine. Oui, on est à l'époque pré-nationale, mais où l'idée et l'identité ukrainienne cheminent dans ce milieu du XIXe siècle, et l'œuvre de Gogol a joué ce rôle je dirais pas catalyseur, puisqu'il y avait d'autres choses, mais cela a enflammé l'imaginaire, cela a, dans cette époque romantique, permis de faire revitaliser en quelque sorte le mythe cosaque, parce qu'après la disparition des cosaques en tant que réalité historique à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement son mythe reprend tout de suite, et on peut évoquer ici, par exemple, l'œuvre fondatrice de la littérature ukrainienne, qui est l'Énéide de Ivan Kotlarev, l'Énéide de Virgile, bien sûr, qui est transporté en Ukraine, où les Troyens, ce sont des Cosaques, et la destruction de la Troie, la destruction de cette siege Zaporog, et le départ d'aînés et des Cosaques ukrainiens, promet la reconstruction et la création de cette nouvelle Troie, de cette nouvelle Ukraine. Parce qu'avec Taras Bulba, le roman de Gogol, nous sommes en 1843, donc ce mouvement romantique, mais à ce moment-là, Laurent Tatarenko, où sont les Cosaques d'Ukraine? Ils ont été déplacés? Alors, certains sont déplacés, d'autres sont simplement intégrés plus ou moins à la noblesse russe ou à l'armée russe. Donc, ils se fondent, certains, pour les élites, ils se fondent dans une sorte d'élite locale, impériale, désormais. Et pour le reste, effectivement, comme l'a évoqué ma collègue, certains sont déplacés vers d'autres régions russes et qui continuent à servir dans l'armée impériale. Irina Nitrichine. Et donc, c'est cette élite cosaque qui s'est intégrée assez facilement, je dirais, dans les élites de l'Empire, continue quand même à nourrir le souvenir de ce passé cosaque. Et tous les voyageurs qui sont rendus en Ukraine au XIXe siècle évoquent l'existence dans les maisons de ces documents, de ces portraits des glorieux ancêtres, des armes cosaques. Donc le souvenir de la cosaquerie mythifiée prend vraiment forme et va se développer tout au long du XIXe siècle, où Taras Shevchenko et les courants socialistes vont plutôt appuyer le côté égalitaire plus que le côté nobiliaire. Donc ça sera véritablement un vide fondateur pour les Ukrainiens. Il n'y a pas que Taras Bulba, vous venez de l'évoquer, il y a Taras Shevchenko, donc poète, et vraiment nous sommes là dans le 19e siècle du romantisme, mais ce 19e siècle aussi de la création des identités nationales, avec un texte de ce poète, un testament. Si les Ukrainiens du monde entier célèbrent avec une solennité particulière le centenaire de la mort de leur grand poète, c'est que Taras Shevchenko est considéré par eux non seulement comme poète de génie et peintre de grand talent, mais aussi et surtout comme inspirateur dans leur lutte pour la libération nationale et sociale, dont l'importance n'est comparable qu'avec l'influence des prophètes d'Israël. C'est pour cela que son testament, que vous entendrez chanter tout à l'heure, devint un chant patriotique, en quelque sorte un deuxième hymne national. Taras Shevchenko, Irina Dmitrichine, là nous sommes vraiment dans cette identité que nous évoquons depuis le début de l'émission, de ces Cosaques Zaporog, ceux qui sont installés en Ukraine. C'est très intéressant que l'extrait a mentionné l'hymne, donc le testament de Shevchenko, un poème emblématique et qui effectivement a été l'hymne qui est considéré comme le deuxième hymne ukrainien, mais l'hymne actuel de l'Ukraine, qui date également du milieu du XIXe siècle, de cette époque romantique, dit « Pour notre liberté, nous donnerons notre âme et notre corps et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée cosaque. » Donc on se retrouve même aujourd'hui avec cette évocation et cette référence cosaque qui reste toujours importante pour les Ukrainiens. Oui, parce que il faut bien le souligner, hein, Laurent Tatarenko, si nous évoquons aujourd'hui les Cosaques dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est parce que l'histoire en soi est passionnante et surtout parce qu'elle éclaire l'actualité. Nous l'avons dit, hein, dans cette identité ukrainienne, il y a ces éléments cosaques. Qu'est-ce qui reste de cosaques? Parce que nous avons évoqué plein de choses sur les cosaques, l'esprit de liberté, la religion, l'aspect guerrier quand il faut prendre les armes pour se défendre. Ce sont des valeurs qui sont mises en avant aujourd'hui avec un lien toujours avec les cosaques. Bien entendu, et évidemment aujourd'hui, au regard de l'actualité, où nous sommes en situation de guerre véritablement, le retour à cette identité cosaque où elle représente un être libre qui défend sa liberté et qui défend sa terre est évidemment essentiel. D'autant plus intéressant que cette identité, en réalité aujourd'hui, se répand sur l'ensemble de l'Ukraine, alors qu'à l'origine, comme nous l'avons vu, l'Hetmana, en réalité, ne correspondait pas à l'ensemble du territoire de l'Ukraine actuelle, et que tous les Ukrainiens, tous les ancêtres des Ukrainiens actuels, en quelque sorte, n'étaient pas liés directement à cette identité cosaque, alors qu'aujourd'hui, c'est elle qui prédomine. Et elle prédomine d'autant plus, puisque, au dehors de la liberté des valeurs guerrières, il y a aussi une culture essentielle, qui est la culture de la désobéissance, de l'insoumission. Et c'est précisément là que est mis en avant cet idéal de l'insoumission aujourd'hui face à l'impact de cette russification imposée ou telle que veut l'imposer Poutine, en quelque sorte, en disant que ce sont des peuples frères. Donc un mythe totalement, on va dire, contraire à cette identité locale. Irina Mitrichine, dans les images que nous voyons dans l'actualité sur cette invasion russe de l'Ukraine, il y a notamment une image qui, pour ma part, est étonnante quand les chars ennemis arrive la population civile qui descend et qui se met. C'est vrai que nous avons l'image de l'invasion où les civils rentrent chez eux, ferment les volets et ne regardent pas. C'est un peu cet esprit de contestation que nous évoquons. Et puis cette résistance aussi, c'est un peu cet héritage slovaque, cosaque. Vous avez envie de faire un lien? Tout à fait, il y a un lien évident et j'évoquerai peut-être cette image de la ville de Konotop qui était importante dans l'histoire de l'Ukraine à l'époque cosaque où le député maire est sorti sur la place, a réuni tous ses administrés et leur a dit voilà, nous on nous donne l'ultimatum, soit on se rend, soit on est bombardé, qu'est-ce qu'on fait? Et à l'acclamation, les gens ont dit on ne se rend pas, on va se battre. Mais je voudrais ajouter que sur cette tradition cosaque, ce mythe cosaque, s'ajoute aussi ici toute la tradition européenne. N'oublions pas que l'Ukraine, jusqu'au XVIIe siècle, faisait quand même partie, enfin fin XVIIe siècle, faisait partie de cet ensemble polono-lituanien, donc de l'ensemble européen, avec le droit de Magdebourg, avec ces cités qui étaient autogérée, auto-administrée, et donc la prendre la responsabilité pour sa cité, défendre sa maison, défendre son territoire, fait partie de ce code identitaire ukrainien, et donc les deux traditions aident et mobilisent aujourd'hui dans le cadre de cette invasion russe. Et dans le cas particulier du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y a de cela aussi. C'est dans l'identité. Alors nous l'apercevons sans doute moins vu de l'extérieur. Est-ce que en Ukraine, il y a ce mot cosaque qui revient régulièrement dans les discours? Est-ce que cela est très présent? Ça revient régulièrement quand on parle des exploits sur le front, on parle des Cosaques. Quand un acteur américain donne de l'argent aux enfants ukrainiens, on le traite de véritable Cosaque. Je rappellerai que le président ukrainien, lors de son investiture, prête serment sur l'Évangile, mais aussi avec un élément, avec une masse Cosaque. Donc il y a vraiment une imbrication indissociable entre Ukrainiens et Cosaques aujourd'hui. C'est très important parce que ça nous permet de comprendre l'actualité et surtout eh bien, d'avoir ce regard autre que le nôtre vu de l'extérieur. Et quand il est question du président Zelensky, bien sûr, il est président. Aujourd'hui, il est sur le front, mais nous le savons tous. Auparavant, il a été comédien, il a été acteur. Et là aussi, dans la culture cosaque, il y a de l'art. C'est M. Virski qui est le chorégraphe, le directeur de cette compagnie de ballet qui a pour nom ici les Cosaques d'Ukraine. Alors, si vous voulez bien, je vais vous poser maintenant quelques petites questions. D'abord, combien êtes-vous dans cette compagnie? Est-ce que vous avez quelques personnes dans votre ensemble? Nous sommes venus ici dans le около 100 personnes. Nous sommes venus ici environ 100. 100. Alors, vous présentez des danses folkloriques. Vous показуєте ці народні танці? Да, народні танці. Oui, ce sont en effet des danses folkloriques. Bon, est-ce qu'on aura l'occasion de voir ces fameuses danses accroupies, certaines qu'on intitule ici enfin козачок, enfin non, est-ce que c'est cela? Увидимо ті знамениті танці, які ми багато слышали, які ми здесь називаємо козачком. Конечно, хотя мы покажем не только один козачок, а целый ряд украинских и русских танцев. Bien sûr, vous aurez l'occasion de les voir, mais vous verrez non seulement le fameux козачок, mais vous verrez bien d'autres danses ukrainiennes. Pavel Virski, qui était né à Odessa, qui s'exprimait en 1959 à propos des Cosaques d'Ukraine, un ballet. Laurent Tatarenko, 1959, bien sûr, l'URSS. Comment l'URSS, pour le dire contextualisé hein, au XXe siècle, s'est emparée de cette culture-là, la mise en folklore? Alors, la mise en folklore, en tout cas, par rapport aux Cosaques, c'est ça qui est très intéressant, puisque en réalité, nous avons une attitude ambiguë vis-à-vis de cet héritage cosaque. D'une part, ce sont évidemment des héros locaux, des héros nationaux, pourrait-on dire, ukrainiens, mais aussi, justement, il y a eu toute une reconstruction du récit historique en disant que, puisque Bogdan Khmelnytsky, le fondateur de l'Etmana, s'était allié à Moscou, il y a cette culture de l'amitié entre les peuples et sur le fait d'insister sur les Cosaques comme les communautés qui ont permis de rassembler les anciens peuples divisés. Ce qui est évidemment, comme nous l'avons vu sur du point de vue historique, est complètement inverse par rapport à la volonté elle-même des Cosaques qui cherchaient à établir une autonomie véritablement sur ce territoire. Donc. Irina. Donc effectivement, il y avait à l'époque soviétique, je rejoins tout à fait mon collègue, deux versions, enfin deux idées. D'abord, l'idée qui avait été promue à l'époque soviétique, c'est d'abord donc l'unité avec la Russie, avec des accents anti-polonais extrêmement importants, et aussi la valeur sociale, la valeur égalitaire des Cosaques. Et il y avait un autre mythe qu'on appellerait le mythe national, qui demandait à ce qu'on se concentre sur l'identité, sur la protection de la langue, combattre la dénationalisation, la russification, etc. Et ce mythe national, en tant que tel, était bien évidemment combattu à l'époque soviétique. Et oui, parce que nous saisissons hein, l'importance de cette construction quand nous parlons de la russification ou de ce qu'a pu faire l'URSS, en tout cas les soviétiques. Nous sommes dans un temps beaucoup plus court que celui très long de cette création. Si nous passons par la Russe de Kiev, nous sommes vraiment plusieurs siècles en arrière. Ce 19e siècle romantique, nous l'avons évoqué. Et en 1991, l'Ukraine devient indépendante. Incroyable accélération de l'histoire, historique cette réunion du Parlement ukrainien. Au cours de la même session, dans une ambiance survoltée, les parlementaires vont tour à tour vigoureusement dénoncer l'attitude pendant le putsch du président ukrainien Leonid Kravchuk, puis réclamer sa démission et enfin décréter leur indépendance. L'Ukraine tourne aujourd'hui une page de son histoire, tourne définitivement le dos au communisme. La déclaration d'indépendance prévoit la nationalisation de toutes les entreprises publiques, l'émission d'une monnaie et la constitution d'une armée distincte. Pendant ce temps, à l'extérieur du Parlement, des milliers de manifestants défilent derrière un immense drapeau bleu et or, les couleurs de l'Ukraine. Une manifestation au cri de indépendance de la République, dissolution du Parti communiste, mais également démission de Mikhail Gorbatchev. Le 24 août 1991, c'est Véronique Tavo qui, pour la chaîne Antenne 2, couvrait l'indépendance de l'Ukraine. Irina Mitrichine, au moment de cette indépendance et puis après, quelle est la part du Cosaque, de l'identité Cosaque dans cette histoire? Il y a une vraie volonté de remettre en avant les Cosaques. Cette volonté est fondamentale et elle commence même avant 91, puisque dès la perestroïka, donc une libéralisation du régime, on revient aux sources, on découvre son histoire, on découvre bien sûr le terrible XXe siècle, mais on se réfère aussi à cet état cosaque et c'est ainsi que sur les ondes on lisait l'histoire des Cosaques, des historiens ukrainiens qui étaient interdit à l'époque, mais aussi en 90, on fête les 500 ans de la création de la Sich, qui fait un grand rassemblement sur cette île de Khortytsia à Zaporizhzhia, et ce mouvement permet un véritable retour aux sources, et donc cette référence permet de dire en 91 qu'on n'est pas en train de construire un État, mais de le reconstruire, c'est-à-dire qu'on reprend là où on a été arrêté. Laurent Tatarenko. Et j'ajouterais aussi qu'il y a même un retour, une renaissance de la Cosaquerie du point de vue institutionnel, puisque on assiste en Ukraine à la recréation des associations cosaques, avec des Cosaques Zaporog, des Cosaques dans telle ou telle région ukrainienne, et un mouvement d'ailleurs qui va s'intensifier d'autant plus sous le régime de Yushchenko, donc qui sera donc le président mis au pouvoir par la révolution orange ukrainienne en 2004, qui va favoriser ce mouvement lui-même, d'ailleurs, se réclamant d'une des anciennes familles cosaques. Et oui, voilà, il y a les généalogies. On sent bien sur ses origines, c'est important. Laurent Tatarenko, vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur d'Autocéphalie, l'exercice de l'indépendance dans les églises slaves orientales du 9e siècle au 21e siècle, sur le temps long, et ça c'est bien. Et puis aussi publié par l'École française de Rome, une réforme orientale à l'âge baroque. Quelle est la part de la religion aujourd'hui encore dans cette identité cosaque? Alors, elle est évidemment importante, puisque le lien entre les cosaques et l'orthodoxie, c'est quelque chose qui a construit à la fois les pratiques cosaques et le mythe cosaque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi une réflexion plus large, puisqu'en Ukraine, aujourd'hui, il y a deux identités, en quelque sorte, fortes, qui ont fondé cette marche à la construction nationale, à la fois l'église uniate, sur laquelle d'ailleurs j'ai travaillé dans ma monographie, et l'église orthodoxe, donc, qui aujourd'hui a été d'ailleurs remise sur le devant de la scène avec la proclamation officielle de l'église autocéphale ukrainienne, donc reconnue par le patriarcat de Constantinople. Irina Dmitrichine, vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, Céline Alco. Vous êtes l'auteur de l'Ukraine vue par les écrivains ukrainiens de la fin du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle. Dans cette idée, il y a la période complexe de la Seconde Guerre mondiale et notamment le rapport entre les Cosaques et les Juifs. Comment se construit, parce que c'est quelque chose que nous voyons ressurgir et également utilisé par Vladimir Poutine pour attaquer l'Ukraine. Quelle lecture avez-vous de tout cela? Alors, nous avons parlé de la révolte de Khmelnytsky, qui, bien évidemment, dans l'historiographie ukrainienne, est vécue comme une guerre de libération. La vision est légèrement différente dans l'historiographie polonaise, mais elle est absolument catastrophique dans l'historiographie juive, puisque cette révolte, dans cette époque de guerre des religions, notamment, a été accompagnée de massacres de la population juive. Et donc, l'historiographie juive en garde un souvenir extrêmement, extrêmement fort. Je dois dire que l'image cosaque aujourd'hui a subi une évolution. Et donc, on a abandonner ces accents anti-polonais ou antisémites et l'Ukraine construit aujourd'hui une identité inclusive où donc il n'y a aucune importance de l'origine ou ethnique ou religieuse ou linguistique n'a pas d'importance puisque on construit une nation civique et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui tout comme pendant la révolte du Maïdan, tout comme dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, les Tatars, les Ukrainiens, les Russes, les Juifs les combattent dans cette défense de l'unité et de l'État ukrainien. Allez-y, Laurent. D'ailleurs, je rajouterai juste un point, justement, pour montrer un petit peu les paradoxes de cette rhétorique qui est mise en place par le pouvoir russe aujourd'hui, puisque Zelensky, qui est le président et qui se revendique aujourd'hui un petit peu comme le chef de ce mouvement cosaque de défense du territoire, il ne faut pas oublier ce qu'on oublie d'ailleurs parfois, qu'il est lui-même d'origine juive et russophone d'ailleurs, à l'origine. Donc, et pourtant, il est à la tête de cette nation qui redécouvre ses origines cosaques et sa culture cosaque véritablement. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir aussi ces Cosaques d'Ukraine et de nous avoir bien précisé qui ils étaient parce que c'est une histoire complexe et de dire Cosaques nous fait venir en tête plein d'images. Maintenant, quand nous dirons Cosaques d'Ukraine, Cosaques Zaporog, nous aurons d'autres images et surtout une autre histoire. Je vous laisse dire un dernier mot, Irina Dmitrichine. Je citerai Voltaire et son histoire de Charles XII, les Cosaques amoureux à l'excès d'un bien préférable à tout, la liberté. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Avez-vous entendu parler des lois scélérates? La multiplication des lois visant à réprimer le terrorisme a fait ressurgir des polémiques autour d'une question centrale. Comment un État démocratique peut-il assurer la sécurité de ses citoyens sans pour autant menacer leur liberté individuelle? Dès les débuts de la Troisième République, le sujet a été placé au centre de l'actualité politique. La liberté d'expression avait été garantie par la loi sur la presse adoptée en 1881. Mais au cours des années suivantes, la crise économique et sociale a alimenté des formes de contestation de plus en plus violentes. En mars 1892, l'anarchiste Ravachol a déclenché une vague d'attentats qui ont fait plusieurs blessés et un mort. Arrêté, il fut guillotiné le 11 juillet 1892 à Montbrison. Pour le venger, le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant lança une bombe à la Chambre des députés et le 24 juin 1894, le président de la République, Sadi Carnot, fut assassiné à Lyon par un anarchiste italien, Sante Caserio. Ces événements suscitèrent une profonde inquiétude dans l'opinion publique, relayée par la frange conservatrice du monde politique, réclamant d'urgence l'adoption de mesures d'exception. C'est dans ce contexte que furent votés les textes que la gauche a appelés les lois scélérates. La première d'entre elles, adoptée le 11 décembre 1893, modifia la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Alors que cette dernière ne punissait que l'incitation directe à la violence, désormais la provocation indirecte fut elle aussi punie et les juges furent autorisés à ordonner l'arrestation préventive. Le 18 décembre 1893, la seconde loi permit à la police d'inculper non seulement les membres, mais aussi les sympathisants des mouvements jugés dangereux, allant jusqu'à encourager la délation. La troisième loi, votée le 28 juillet 1894, s'attaqua nommément aux groupes anarchistes en leur interdisant tout type de propagande. Des journaux comme le Père Peinard d'Émile Pouget furent interdits. Des séries de listes nominatives furent dressées afin de répertorier les individus soupçonnés de sympathie libertaire et les sans domicile fixe furent fichés et enregistrés. Dans la brochure dénonçant les lois scélérates publiée en 1899, Émile Pouget, Léon Blum et Francis de Pressensé, un intellectuel de gauche qui présida la Ligue des droits de l'homme de 1903 à 1914, reprochèrent au gouvernement la politique des deux poids, deux mesures. La censure s'était abattue sur les journaux socialistes et anarchistes, alors que la presse d'extrême droite, notamment sa composante antisémite, pouvait continuer à diffuser sans limite ses discours de haine. Les trois auteurs déploraient aussi la précipitation avec laquelle ces lois avaient été adoptées, sans que les députés aient réellement le temps d'étudier les textes. Mais la principale critique concernait les risques que présentaient ces mesures d'exception pour tous les Français. Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. La référence à ces lois scélérates a ressurgi lors des procès intentés à des gilets jaunes, puisque des mesures qui avaient été votées dans le cadre de la répression du terrorisme furent utilisées pour contrôler préventivement ceux et celles qui se rendaient aux manifestations. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Judès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Valentine Lovrens. Merci à toutes. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Journalistes et techniciens de Radio France sont partout en Ukraine pour vous raconter la guerre, l'offensive russe et les civils qui par milliers fuient les combats. Nous sommes aussi dans les pays voisins et à Moscou, bien sûr. Chaque soir, le récit d'une journée de guerre avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants, avec aussi les moments d'antenne les plus importants et les plus forts de France Inter, France Info et France Culture pour mieux comprendre. Je suis Grégory Philips. Guerre en Ukraine, le podcast, à retrouver chaque jour sur l'application Radio France.